J'ai vu ton nom sur le fronton d'une école, cet endroit où l'on inflige des heures de colle aux petits enfants qui, comme toi, regardent ailleurs. C'est un comble, attends, j'en ai vu des meilleurs. On a donné ton nom, interdit aux chiens sans laisse, sans collier, je vous le dis. Interdit aux vagabonds avec des grilles et des serrures et des gardiens et gorilles, avec des pelouses bien tondues, sans la moindre trace, sans le moindre brin de mauvaise herbe bien grasse, qu'on pourrait fouler aux pieds sans que les braves gens ne se mettent aussitôt en quête d'un agent. J'ai vu ton patronyme sur la plaque d'une rue. Oui, on a donné ton nom, toute honte bu, à une rue même pas mal famée, et où les flics montent la garde, se relaient près des bancs publics, bancs publics, bancs publics, bancs publics. J'ai chanté dans un centre culturel qui portait ton nom, quoi de plus naturel. Hélas, je fus censuré, car dans mon répertoire j'avais fourbi différé anarchiste notoire. Un jour, un type bien intentionné se serve du nom de tes ancêtres pour cautionner l'inauguration d'un stade, d'un vélodrome, ponctuant son discours de quelques pom pom pom pom. Que dirais-tu d'une caserne, d'une prison, une sainte chapelle, et puis quoi encore, disons, les basses révérences, les chapeaux à plumes, les palmes académiques à titre posthume.